c'est d'arrêter de fumer, de se mettre au gâteau sec et au café. Oui, au café aussi. Alors attends, Cindy, tu crois que tu vas dire à une personne. Tu crois que tu vas dire à une personne qu'elle a de. Quoi? Je préviens que le bruit que j'entends derrière. C'est pas moi. Va retourner au standard, vite fait. Gérard, Carla nous a laissé et elle est partie se coucher. Pourquoi, d'accord. Eh ben, c'est Gérard. Bien. Quoi? Gérard, c'est Olivier, je peux répondre à la question. Vas-y. Bah, je pense qu'il faudrait combattre le mal par le mal. Ouais. Moi, c'est comme ça. Et le bien par le bien. Ouais. Alors, comment que vous avez conçu. Alors, qui c'est qui a dit le bien par le bien? C'est Jenny. Alors, Jenny, comment que tu peux. C'est-à-dire, quand tu es gentil, bah, la personne, elle va être gentille avec toi, et puis elle va faire des cadeaux. Non, là. On accueille Pierre à la place de Carla. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Gérard. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort en t'entendant? Oh, Gérard! Oh, tu te calmes, s'il te plaît! Eh ben, quand on te dit bonsoir, réponds. Oh, tu te calmes, s'il te plaît, d'accord? Gérard, est-ce que tu pourrais parler plus fort? On t'entend pas. Bonsoir. Bonsoir, Angel. Moi, personnellement, j'ai adopté une phobie récemment et j'en suis très contente. Ouais. Bon, alors, Ginny. Oui, c'est des fleurs de quelle couleur? Tu as dit le bien par le mal, s'il te plaît. Tu répètes et derrière, vous vous taisez, s'il vous plaît. Merci, Gérard. Alors, je disais qu'il faut faire le bien par le bien. Bonsoir, d'abord tout le monde. Tais-toi! C'est clair et net. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne, elle est gentille avec toi, eh ben, tu es gentil avec elle. Allô? Dans quel sens? Ben, c'est-à-dire que si elle te fait du bien. Ah, vous arrêtez la musique derrière, merde! Si elle te fait du bien, tu peux lui faire que du bien. Oh, tu te calmes un peu là! Tu ne vas pas lui faire du mal, Gérard. Il y a d'une chose. Donc je disais. Ah, que... le sonar, la merde! Donc je disais Gérard. Que. Mais c'est pas comme le premier! Donc, je disais que... Oui, Gérard. Donc je disais que. Ouais, qu'est-ce que tu dis? On t'écoute. Je disais que. Allô? Oui, on t'écoute. Donc, apparemment, le Gérard, encore, il pète un plomb. Là. Qui balbarre entre les cuisses d'un catcheur. Ouais, c'est ça. N'importe quoi, le Gérard. Donc je disais qu'on peut faire du bien que par du bien. Tu parles de quoi là, par rapport au téléphone portable ou? Non, par rapport. Ouais, c'est toi la merde, non, tu travailles à Pont-Sonneur. Ouais, je commence à l'avoir marre, monsieur, hein. Oui, Gérard. Par rapport aux positions. Mm-hmm. Et donc on peut faire que du bien. Position sexuelle? Oui. Position intercocinisexuelle. Ouais. Comprends? Bah, je veux dire, c'est Pierre, là, pareil. Oui. Très bien, ouais. Oui, moi, des positions, je vois que Gérard. On fait beaucoup. La sodomie, pour toi, c'est une phobie ou pas? Non, mais attends, je te parle pas de ça, d'accord? Ok. Bon, c'est quoi la question, là? J'ai pas encore... Non, mais attends, si t'as pas compris, mon pote, tu te débouches les oreilles, c'est comme les cuisses, ça se lave. On demande entendeur, salut, si tu comprends pas. On avait le tien aussi, tiens. Alors, si t'es pas content, tu dégages, allez, bonne nuit. Attends, moi, je suis très content, moi, d'être là. Tu dégages, je voulais juste dire... Angèle. Que quand... Ouais. Oh, ferme-moi ça, tu te fermes. Bah, je me la ferme, d'accord. J'attends mon tour. Non, mais t'entends pas de parler. Angèle, s'il te plaît. Allô, Gérard, c'est Jenny. Je vous préviens d'une chose. Jenny, ta gueule. Oh, tu vous déranges? Allô? Allô? J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Allô? Allô? Allô? Allô, Gérard? Gérard. Eh, ça commence à bien faire! Gérard. Tout ce que vous voulez savoir sur Carole. Oui, Gérard, c'est promis. Bon, Max! Ouais. Tu viens faire le standard, s'il te plaît, parce que l'autre, il est incapable. Ok, Gérard, j'arrive. Alors, Ginny, je t'écoute. Oui, je disais qu'on peut faire du bien que par du bien. Mais il est incapable! Tu vas pas attends, faire Ginny, s'il te plaît. Attends. Eh, hey, Max! Eh! Hey. Tu ou il fait quelque chose ou j'arrête ce coup-là. J'en ai marre d'entendre Carole et tout ça. Non mais le Pierre il gueulait mais tu le laisses pas parler aussi le mec. Ouais, hein? Mais ça se calme. D'accord, calmez-vous. Allô. Ouais, on t'écoute. Calmez quand même. Bon alors, Ginny, tu voulais dire. Oui, donc je répète pour la 30e fois que on peut faire du bien, parle bien, parce que quelqu'un qui te fait du bien, tu vas pas lui faire du mal, t'es bien d'accord. Mais de toute manière, moi, là-dessus, je peux te répondre tout de suite, j'ai jamais fait de mal à personne. D'accord. Oui, Gérard. Excuse-moi, 30 secondes, je viens de parler à Pierre, là, il s'excuse, il aimerait bien reprendre le débat, il s'est calmé, tout va bien. Ok. Allô? Donc, je m'excuse. Ok, bah, pour l'instant, Pierre, je finis avec Ginny. D'accord. Donc, Ginny. Je termine après. Il recommence ce coup-là. Je m'excuse, tu l'avais dit, Pierre. Ginny, il a rien dit. Écoutez. Bon, alors, Ginny, tu disais le bien par le. Par le mal, Satan et Jésus. La sodomie? Oui. Non, mais attendez. Par rapport aux positions. Non, mais attendez. Avec un portable. Laissez parler Gérard. Celle qui parle du portable, c'est plus la question des portables, c'est la question des phobies. Ok. Bon. Alors moi, je peux te répondre, Ginny. T'as mis un rock, là? Bon, allez, hop, tu me dégages celui qui s'amuse à faire. Mais c'est personne, Gérard. Au standard, tu te réveilles, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, ça va mal se finir. Bravo, bonne nuit pour lui. Allez, c'est pas moi là. Je veux pas que ça monte. On dirait un singe. Mais Gérard, le je suis pas un singe, d'accord. Mais je n'ai pas parlé encore. Ouais, bah t'as pas parlé. Il y a quelqu'un derrière toi, je veux pas le savoir. Mais c'est un problème technique, Gérard. Non, il n'y a pas de problème technique. Il y a pigeon sur l'antenne. Ouais, il y a un pigeon. Alors, pigeon, il va vous chier sous le nez. On peut revenir dans le débat des phobies, c'est intéressant. Ouais, mais pour l'instant, je voudrais bien répondre à la question. Vas-y, réponds. Alors, Ginny, si tu pouvais me répondre à... Alors, je réponds... Ouais, tu me les calmes, c'est là, ou quoi? Oui, tu as bien compris ton sujet. Qu'est-ce que tu fais, maintenant? Bon, les... Tu commences à être lourd, hein, tous les jeudis, quoi. Hein. Tu pourrais répéter la question. Essayez de répondre à la question, Alors, que conseillez-vous aux personnes atteintes d'un de phobie? Alors, Ginny... Jenny, tu me disais. Alors moi, je conseillerais, comme tout à l'heure. Après, moi, je peux y aller après. Ouais. Tu t'es pas un sans-pièce, s'il te plaît. D'accord. Tu n'as pas écouté, je disais, le mieux c'était de se jeter par la fenêtre. Non, écoute pas alors. Non, attends, tout à l'heure, il y en a une qui me dit le bien par le mal, maintenant c'est par la fenêtre. Non, mais attendez, il faut pas prendre des gens pour des cons, hein. Bon, allez, tu me dégages celui qui s'amuse à ça. Et t'arrêtes. T'as de téléphoner en dehors, toi. Alors, je téléphone pas en dehors, je gère le standard, Gérard. Non, mais attends. Oui, Gérard. Attends, y'en a un qui se donne la gueule. Oui, Gérard. Ah, tu me laisses. Je l'enlève, Gérard. Oui, Gérard. Fais-moi tout à l'heure, je vais arrêter, ça va être vite fait. Oui, Gérard. Oui, Gérard. C'est trop marrant. Ah ouais, t'as pas de casque, tu peux pas écouter, t'en as rien à foutre. Tu t'en fous, de toute manière, elle passe sur tout le monde. Ah ouais. Et tu lui donnes l'autorisation. Tu vas passer à l'Olympia? Ah. Voilà. Tu l'écoutes, celui-là? Mais c'est une fille, Gérard. Non, c'est une fille. Okay. Ah ouais? Ouais. Non, c'est une fille qui se fout de ma gueule. Bah oui, non, mais attends. Ça peut arriver. Là, tu prends les gens pour des cons, tu les laisses, quoi. Hein, c'est une fille, ça. Bah écoute, moi, il n'y a que des filles au standard. Ah ouais, non, c'est marqué Homer, il y a Cindy, Angel et Jenny. Ah ouais? C'est bizarre, par hasard, j'ai Olivier et Pierre. Ils sont partis, tu les as virés déjà, Gérard. D'ailleurs, quand j'aurai une puce sur le potable, alors Ginny, tout à l'heure, tu m'as parlé du bien et du mal. Mais c'était par rapport à notre question, Gérard. Tu comprends pas ce que je veux dire? Ginny, j'en ai marre. Il y a Ginny par-ci, Ginny par-là. C'est vrai, c'est pas juste. Tu devrais donner la parole. Vous commencez à me dégonfler, Nena. Non, mais attendez, les nanas, vous commencez à me les gonfler. Hein. Mais non, Gérard, il faut que tu poses la question à toutes les filles. Eh bien, de toute manière, vous répondez, c'est à qui de votre tour. Alors maintenant, Cindy, tais-toi et toi. D'accord. Ça y est. Merci. Alors, Cindy, oui. À ton tour. Oui. Moi, je conseillerais d'aller voir un médecin. Puis, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Ça s'enlève facilement. Donc, c'est bénin comme truc. De quoi vous parlez là? Des phobies. Que t'as je veux vous parliez des crèmes de beauté. Non, quand tu vas sur les toilettes. Oh, c'est quoi ça? Chez Gérard. Il a rien dit de méchant, Gérard. Quand tu vas aux toilettes chez Gérard, tu attrapes des phobies. Attends, alors Cindy, depuis quand t'es venue chez moi? Oh écoute Gérard, ne fais pas le café. Oh la menteuse, elle est amoureuse. Alors Cindy, oh, maintenant. La menteuse, elle est amoureuse. Voilà, s'il vous plaît. Oui. On se calme. Cindy, tu la vires, Gérard? Non, hey, tu me laisses Cindy, maintenant je cale à vous à l'antenne, en direct. Ah voilà, comme par hasard, tu la vires pas là. Quand c'est pas un mec, tu les vires pas là, tu les gardes là. Ouais, si t'es pas content, toi, tu vires. Ouais, c'est ça, tu vires. Non, je vire pas. Attends, j'ai le droit. Non, j'ai pas posé de question. Tu étais un dictateur. Bah, raison. Pour l'instant, Cindy, elle a dit qu'elle était bah, méchante. Bah, c'est la raison. Tu fais chier le monde. Bah, si t'es pas content, tu non, je suis pas content, mais je dégage pas. Tu me dégages. Non. Non, Gérard. Tu le dégages. Oh, merde, alors tout le monde raccroche à ce moment-là. Ouais, d'accord. Ouais, parfaitement. Non, mais attends, je dis rien, Gérard. Tu m'as même pas, t'as fait 20 minutes que je suis arrivé, tu m'as même pas dit bonsoir. Non, mais attends, ouais. Ça fait un quart d'heure que je suis sur un troisième. Tu me prends pour un con, tu m'y laisses. Je te laisse pour un con, et puis tu me dis pas bonsoir. Ah bah moi je suis propre pour un con, d'accord. Attends, dis-moi bonsoir. Et c'est comment ton nom? C'est Pierre. Ouais, et ça fait 5 fois que je t'ai dit bonsoir, espèce de con. Eh bah bonsoir Gérard. Allez, bonne nuit. Allez, dégage. Attends, tu me dis bonsoir et tu me rends. Allez, dégage. J'écoute ta question. Non mais attends, pour l'instant tu veux parler, Cindy. Mais oui, parle à Cindy, s'il te plaît. Mais oui, merde. Cindy. Les filles, elles ont besoin de mecs aussi, y'a pas que toi. Oh, tu te calmes, s'il te plaît, ou tu dégages. D'accord, je me calme. Cindy, ouais, Cindy, Cindy. Je suis là. D'accord. Je suis là. Alors Cindy, maintenant tu vas dire devant tout le monde quand est-ce que tu es venu chez moi. Je ne répondrai que lorsque Pierre aura répondu à ta question. Voilà, mais c'est gentil, les filles. Merci de me soutenir. Non, Cindy. Merci de me soutenir, les filles. Ah, c'est génial, l'appareil. Il faut aider Pierre. Il faut... Merci. Alors Pierre. Oui. Je te pose la question. Quand est-ce que je suis venu chez toi? Non! Bah, c'est ça la question! Jean, je voudrais que Pierre réponde. Oh! Tu crois que lui demande qui est rappelé, c'est ça lui ou quoi? Non, c'est quoi la question, vas-y? Faut pas déconner, hein! C'est quoi la question? C'est importable. Oh, regardez Manu tout le temps. Que qu'on sait? Attends, si ça te plaît pas, mon pote, tu dégages! J'ai Fun TV, je te regarde, je te vois. Ouais, bah alors, dans ce cas-là, t'es un mec de la radio, bonne nuit. Allez, non, Fun TV, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont pas Fun TV chez nous. Qu'a Fun TV, Fun TV, Gérard. Que qu'on sait? Alors, Jenny, t'es de la radio, c'est ta Fun TV. Je te pose la question, merde! Alors, vas-y. Ouais! Vas-y. Tu travailles à ton âme ou quoi, toi? Question, Gérard. Vas-y, la question, je te pose. Non, attends, tu te pas, tu me dis, tu poses la question, tu fais ton débat. Vas-y, Gérard. Mais tu travailles en standard. Vas-y, Gérard, j'écoute. Vas-y. Tu dors? Mais arrête de chier sur Manu, on écoute. Manu, ça m'excite avant. Ouais, moi aussi, je l'adore. D'ailleurs, ça va aller vite. Vas-y, j'écoute la question, je réponds calmement. Que conseillez-vous aux personnes atteintes de phobie? Alors, Pierre, maintenant, tu réponds. Alors, moi, ce que je conseille aux gens qui sont atteints de phobie, c'est d'aller voir, premièrement, c'est d'aller voir un spécialiste de la phobisation. Arrêtez-nous, hein. Et donc, je pense qu'en fin de compte, il faut aller voir un spécialiste. Quand, par exemple, t'es... Faut se faire opérer, Pierre, non? T'es pas d'accord? Oui, mais t'es pas obligé maintenant. Attends, excusez-moi. Non, attends, te fous pas de ma gueule, Pierre, parce que... Mais laisse-le parler, Gérard. Mais attends, pour l'instant, il est en train de dormir sur la question. Non, la phobie, c'est une maladie, c'est-à-dire que les gens... Ouais, c'est une maladie. Comme par exemple, les gens qui ont peur des araignées, les gens qui ont peur des choses comme ça, des fourmis, des escargots, moi j'avais pas qu'ils étaient... Attends, t'as déjà eu peur d'un escargot? Mais c'est vrai, Gérard. Alors? Ah non, mais attendez. Que tu veux voir? Mais attendez, j'ai jamais eu peur d'un escargot. Il y a des gens qui sont atteints de la phobie de Gérard, qu'on en marre de, sur la bande FM, d'avoir des Gérards sur la radio, c'est tout. Eh ben, si t'es pas content, tu raccroches, tu m'emmerdes pas. Bonne nuit, Pierre. Celui-là, tu me le dégages. C'est terminé. Ça y apprendra. Moi, ça ne me dérange pas, je parle de certains auditeurs. Max, s'il te plaît. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est Max. Oh, tu viens faire le standard, là, il décolle l'autre. Et t'arrêtes pas de gueuler. Mais merde, je pose une question, elle est même pas capable de me répondre. Et tu laisses même pas répondre. Je quoi, merde. Mais merde, il est même pas capable de me répondre à une question. Alors, je réponds, ça va prendre 20 secondes. Je dis que je suis d'accord que les gens qui sont atteints d'une maladie de la phobie, il faut qu'ils aient des spécialistes, c'est-à-dire des chirurgiens. Des psychologues, tu me l'enlevais de la bouche, merci. Vous allez voir des psychiatres, des vétérinaires, tout ce qui est possible en leur pouvoir. Non mais attends, Pierre. Oui. Pierre. Oui. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un atteindre de la phobie, d'aller voir Mais pour se renseigner, par exemple, t'as peur des araignées, c'est d'aller voir un spécialiste, c'est-à-dire un vétérinaire qui s'occupe des animaux. Ah ouais, un vétérinaire pour aller... Non mais attends, t'es complètement taré, mon pote. Mais non, parce que si t'as peur... Mais arrête, t'es taré. Non mais attends, t'as vu comment tu parles aux auditeurs? Un psychiatre, ok. Tu crois que t'es pas taré, toi? Attends, si t'arrêtes, tu sais même pas ce que tu dis dans tes réponses. Mais je te réponds, peut-être que je réponds pas bien, mais je te réponds. Mais attends, et l'autre nana qui dit aller voir un gynécologue. Mais toi, tu cries, toi. Bah oui, parce que la sodomie, ça fait mal. Et alors? Mais c'est pas un problème, la sodomie. Et nous, les enculés. Oh, Pierre, tu me le dégages. Là, je passe seulement enculé. Ou j'arrête. T'as dit enculé, c'est pas... Gérard, concentre-toi, nous sommes là. Là, j'en ai marre. Gérard, quatrième question, s'il te plaît. S'il te plaît, Gérard, c'est Jenny qui te parle. Gérard, Pierre s'est excusé, il a raccroché. Non. Il a raccroché, Il a raccroché, bonne nuit. Il s'est excusé, bon, quand Pierre, même. C'est Angel. Angèle, moi je voulais dire que je trouvais que c'était quand même incroyable parce qu'il faut que tu sortes le dimanche. Ce qu'il a dit, Pierre, c'était tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai, je t'en ai entendu. Attends, Angèle. Et peut-être même le vétérinaire. Même les non, mais attends, hein. Angèle. Angèle, tu crois que je vais avoir un vétérinaire alors que je suis un être humain? Non, mais attends. T'es pas phobie, toi. Comment? Toi, t'es pas phobie, toi. Non, mais attends. Il y a des gens qui sont phobies. Eh, j'ai jamais dit dans les questions, dans les trucs du dictionnaire, qu'il fallait voir un médecin. Mais oui, mais écoute, Gérard, il avait tout à fait raison, Pierre, parce que moi, je veux dire, ma phobie, tu vois, bah, c'est la sodomie. Et quand j'ai mal, il faut que j'aille voir un gynécologue. Tu comprends, Gérard? Non, mais attends. Gérard, c'est quoi ton dernier rêve? Mon dernier rêve? Est-ce que c'est un rêve érotique? Non. Ah, là, je vais vous dire une chose, le jour où j'aurai un rêve érotique, les poules auront des dents et je me ferai curer la fin de l'année. Mais quand tu te lèves le matin, est-ce que tu bandes? Ah bah ça te regarde pas ma petite. Oh, Gérard, il y a personne qui couche avec moi, donc elle pourra pas savoir si je bande le matin en me levant. Bah ouais, mais nous on voudrait bien savoir avant de coucher avec toi. Ah, mais vous êtes bien curieuse là. Bah toi aussi t'es curieux, Gérard, tu nous poses plein de questions, donc nous aussi on va te poser des questions. Non mais c'est... Ah bah vous voulez que je réponde, est-ce que je bande le matin? Bah oui. Non, je bande pas le matin. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas ce qu'il faut à côté de moi. Et est-ce qu'il y a du sperme sur ta culotte le matin? Non plus. T'as pas de carte de France dans ton lit? Non. Vraiment. Attends, j'ai mal... Là, je viens de mal entendre un nom. Carte de France. Carte de France, c'est la vie. Elle a dit. C'est ce que c'est, Gérard? Ouais, bah, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a autour de l'Angleterre, de l'Espagne. Ouais, c'est ça. Ouais, Brésil, ouais, c'est ça. C'est la dingue, ok. Ouais. C'est bon, tu sais ce que c'est. Bon, T'as plein de questions? Ben, non, il y a encore. Gérard? Oui. On accueille Philippe Hubert et Antoine. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Hubert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui, c'est Philippe Hubert, vous pouvez m'appeler Hubert. Bonsoir Hubert 41. Non, Hubert. La radio derrière, s'il vous plaît. Il n'y a pas de radio. Gérard, est-ce que tu aimes la Hubert? D'abord, je voulais dire que j'étais d'accord avec Gérard et qu'il avait entièrement raison, que le Pierre de tout à l'heure a un peu abusé. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Non, mais tout à l'heure, vous avez l'air d'être plutôt d'accord avec Pierre, alors que bon, moi j'étais scandalisé. J'ai entendu Gérard qui avait raison quand il lui disait qu'on n'allait pas voir un vétérinaire. J'ai trouvé ça un petit peu absurde. Non, mais t'es. Ah, mais moi j'étais pas d'accord avec Pierre, hein. D'accord. Et toi, tu vas voir quoi quand t'as. En tout cas, les filles, je veux dire, que vous avez une mine resplendissante. Merci. Je vous en prie. Bon, attendez, il y a une question minutale. Stop! Au lieu de vous fendre la gueule, les nanas, vous taisez, s'il vous plaît, merci. Ouais, genre, il y a François qui demande sur le Minitel si tu es atteint de phobie par rapport à Françoise. Alors là, je répondrai pas. Est-ce que Christine était une phobie pour toi, Gérard? Je ne répondrai pas non plus. Il a raison. Bonsoir, Gérard, je suis content d'avoir de vous parler. C'est la première fois que je vous appelle. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion d'écouter plusieurs fois. Ouais, non, mais ça fait la deuxième fois que vous m'appelez. Oui, c'est vrai. Non, mais là, cette fois-ci, je trouve que ce soir, vous avez bien mené votre débat. Et vous aviez raison quant à la définition au début de ce qu'était la phobie. Et concernant Pierre, en lui disant qu'effectivement, il ne fallait pas tout mélanger, surtout d'aller voir un vétérinaire, c'est totalement absurde, au même titre que la demoiselle qui disait qu'elle avait la phobie de la sodomie, d'aller voir un gynécologue. Bonsoir Gérard. Faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Bonsoir deux fois, d'accord, d'accord. On demande entendeur, salut. Je viens d'arriver. Non, mais donc je vais répondre quand même à la question. Il n'y a aucune question qui a été posée, posez la vôtre. Est-ce que je peux dire un truc? Oui, allez-y. Je suis en train de regarder Prince à la télé, c'est extraordinaire. D'accord. Bon, tu me sens que c'est bien là, tu veux passer au-dessus de tout le monde là, tu veux. Non, mais attends. Ah bah attendez, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler, je vous écoute. Non, t'as pas eu l'occasion de parler, pour l'instant tu m'as posé la question, d'accord? Je ne pose pas la question, je ne fais qu'affirmer, vous aviez raison. Je suis d'accord avec vous. Allez, pose-nous ta question, fais-nous marrer. Philippe Hubert, appelle-moi Hubert. Tu étais d'accord avec moi tout à l'heure. C'était qui? Jenny. Jenny, moi je vais dire une chose que. Merde. Ouais, c'était pas content. Un truc est très... Tu me dégages, Philippe Hubert, ou quoi, là, quoi? Appelle-moi Hubert. Est-ce que marrant, c'est quand on me dit, est-ce que je suis d'accord, ça fait puberté, d'accord? Et je dis oui, en puberté. Ça commence bien fait. Des petites parenthèses. C'était une boutade. Allez, cinquième question. Oui. Quels sont les plus connus? Alors, les plus connus sont d'abord... Les pretenders. Non, taisez-vous les filles. Laissez parler le plus intelligent de la ligne. À mon avis, ça monte. Alors vas-y, imbécile. Plus intelligent. Alors, ouais. Bon, la puberté, la phobie, les plus connus. Bon, alors d'abord, il y a la phobie des araignées, la phobie du feu, la phobie de tout ce qui est fourmis. La phobie, attendez, je regarde dans mes cahiers. Attends, non, non, non, y a pas à regarder dans les cahiers, vous le dites maintenant. C'est la sion, c'est tard, fête. Allez hop, phobie. Dors celui-là, comme là. Hop, dehors. Alors, allez hop, bonne nuit à celui-là. Je tenais juste à dire, il y a aussi la phobie. Non, mais il y a la phobie des filles aussi. Mais c'est intéressant, moi ça m'intéresse. Oui. Dit, Non, non, mais ça t'intéresse pour l'instant, je demande à d'autres personnes de répondre. Je me tais. Mais Gérard, c'est intéressant ce qu'il dit. Ouais, mais. Je me tais dans le lac. Si vous permettez cette expression. Ouais, qu'est-ce que tu fais en sonar là? Je me tais d'oreiller. Vous connaissez? Alors, c'est autour des fils, hein. Cindy. Les suprêmes. Non, quels sont? Vas-y Manu le malin, continue. Tout à l'heure je vais tout arrêter. Ah non, vous nous avez déjà fait peur tout à l'heure. Alors tu te réveilles s'il te plaît. Oui, mais il est réveillé je crois, hein, parce que c'est lui qui m'a pris. Non, il est pas réveillé, je vous ai demandé de sortir vous. Ah mais je suis, je peux sortir de ma chambre. Ouais, merde. Je peux sortir, je suis avec un sans fil. On prend le débat, Gérard. Mais attends, tu... Tu gères avec moi ou quoi? Allez Gérard, oui, réponds. C'est Daniel, il s'appelle Daniel, hein. Ouais, mais il vient se calmer. Non, comme par hasard, maintenant, c'est un Daniel. Non, c'est lui qui réalise. Moi, Daniel. Ouais, Daniel. Tu as réagi avec Manu le malin, s'il te plaît. Qu'est-ce le gamin. Le gamin. Le gamin, Gérard. Ouais, bah le gamin, tu as travaillé au sondage. Le gamin, Manu le gamin. Cindy. Alors, à toi. Bah, je t'ai dit, les suprêmes, après il y a les Jackson 5. Non, mais quels sont les plus connus? Bah, les suprêmes, les Jackson 5. N'importe quoi. Non, mais attends, si t'es pas content, toi, mon pote, tu la fermes pour l'instant, je sais pas après. Je t'appellerai pas si ça me fait sortir un coup de lit. Ok. D'accord. Alors, on demande ton entendeur. Salut, tu retournes sur ton pote chambre. Bon, c'est Angèle, une des phobies les plus connues, à mon avis, c'est la phobie des moustaches. Énormément de filles. N'importe quoi. Tu la fermes. Pardon. Énormément de filles qui n'aiment pas les moustaches et c'est vraiment viscéral quoi. Alors. Il y a des poils de bite. Alors moi je vais vous dire une chose. Bon allez hop. Je sens que je vais arrêter. Mademoiselle. Oh, tu me calmes celui-là. Mais il ne fait que rire, Gérard. Non, mais il passe sur tout le monde. Pourquoi pas les têtes du nez? Voilà. Il sort d'où, lui? Ah, il est aussi mal. Oh, vous me faites rire ce soir. Là, ça commence à bien faire, Manu le malin. Le gamin, Manu le gamin. Ouais, gamin, tu vas travailler. Le gamin, Manu le gamin. Manu le malin, là. Non, Manu le gamin. Tu vas travailler, s'il te plaît. Bah, le gamin, Manu le gamin. Ça voilà, tu vas te réveiller, Manu le gamin. Voilà. Alors, Angèle, tu disais. Bah, je te parlais de ce match. Ah, je tressaille et tout. C'est... Oh, attends, Angèle. Ouais, c'est bizarre. Et il va la fermer, sa gueule, celui-là. Il a rien dit, attendez. Non, mais il va la fermer quand je vais répondre à Angèle. On peut parler, c'est pas chacun son tour, quand il y a une dictature, on peut faire un débat. Chez Max, la nuit, tout le monde parle en même temps, mais ça se bien organisé, ça sert à rien de vous énerver. Je suis d'accord avec vous, je dis, c'est un peu bizarre. Chez qui? Vous allez dire, c'est un peu bizarre, c'est ça? Hé, je vais dire une chose, c'est une moustache, toi, espèce d'abruti. Non, je n'ai pas de moustache, mais de moustache, pardon, mais ceci dit, je peux quand même réagir, j'ai déconné des gens avec des moustaches, mais allez-y. J'ai des poils de cul. Des moustaches? Ah, des poils de cul, j'en ai. Ah. T'as des poils au cul? Est-ce qu'une nana t'a déjà embrassé dans le cul? Oui. Et dans le nez. Mais moi, j'ai déjà fait, c'est vachement sympa. Une soupe de cul, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ben voilà. Bon, monsieur Gérard, vous écoutez ou pas? Parce que vous non, pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Ben ouais. C'est à moi que vous parliez. Ben oui. Alors, allez-y, bon, allez, je pense qu'on va mettre... Je pense qu'on va mettre, je sais pas quoi, un disque. Le fond de la rivière quoi. Mets-toi un truc dans le cul, ouais, ça te fera du bien. Ouais. Bon, ça. Silence. Bon. Ouais, on met un disque. Alors, je pose la sixième. Je pose la sixième. On y va, on écoute. Taisez-vous, on écoute. Alors, Philippe Pubert vous écoute. Ouais, et Philippe Pubert, vous commencez à me les complets. Appelle-moi Pubert. Bon, allez hop. Sixième, silence ou je fais... évacuer. Ouais, c'est pas pourquoi qu'on m'éteint les micros. Silence, s'il vous plaît. Bon, allez hop, fumez le disque. Fulda, c'est quoi le disque? De travailler dans ces conditions. C'est les petits marcassins, Gérard. Vous chauffez évacuer la salle. Les petits marcassins avec un mille chèques à la fraise, j'aime bien aussi. Ah bah vas-y, on voit. Ok. Donc c'était la Zoubida, c'est Manana avec un berger allemand et voilà. Sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Donc si vous voulez continuer de nous appeler, dépêchez-vous, il vous reste plus qu'une demi-heure. Ben, merci pour celui qui parle derrière moi. J'aime pas trop ça quand. Rappeler les numéros. Ouais, mais point. Tu me les retires de l'antenne, merci. Donc, si vous voulez continuer de nous appeler, c'est le 0870-5000 et 0800-370-5000. C'est pas ça. Quoi, c'est pas ça? 0800-3-08-5000. Eh, mais j'ai pas un numéro, là, sous les yeux, moi. Ça fait combien de temps que tu fais les débats? Ouais, j'en sais rien, moi, je les annonce plus, les numéros. Ouais, c'est vrai, t'as besoin. Ouais, c'est 0870-5000. Et 0800-3-08-5000. Voilà, et pour les Belges, 0-33-1-99-5000. Bravo. Et n'oubliez pas toujours le Minitel. Ah, Gérard. Et n'oubliez pas le Minitel 3615 Code Fun TV, rubrique direct. C'est combien la minute? 1 franc 29. 1 franc 29 la minute. C'est moins cher. Ouais, c'est moins cher et ça peut rapporter gros. Allez, accouche. Attends, pour l'instant, j'accouche pas d'un garçon, j'accouche de rien du tout. Ouais. Bon, la prochaine question. Alors, la prochaine, on va accueillir Sidney Angèle Gigné. Comment? On vous ramène des bouteilles de JB, les CD, tout. Ouais, d'accord, mais de toute façon, on va attendre la fin du débat, là, on va voir. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui veulent venir à la radio... Ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi il est revenu. Alors, si t'es pas content que je sois revenu, tu le dis. Ah, mais les filles, vous avez quel âge? Non, mais tu me calmes, ils ont pas besoin. Mais ah ouais, c'est plutôt cool, ça, alors. Dis-leur allô, je crois qu'ils t'entendent pas. Ben, on va bientôt retourner à l'antenne, je crois, là. Ouais, lui, là. Donc, attendez, moi je peux venir vous chercher, hein. Moi, pas, il y a une bagnole là. Ah bah c'est quoi? Ah, c'est pas là. Il y a une bagnole là, moi je peux venir vous chercher. Vous voulez, vous m'entendez? C'est Manuel Gamin, vous m'entendez? Vous habitez où là? Ouais. Paris, mais où ça dans Paris? Bah pas très loin. Où ça? Alors moi j'habite à Neuilly-sur-Seine. Ah bah écoute, tu veux pas... Non, c'est pas Manuel Gamin, c'est le... Non, je comprends ça pour faire le con, hein. Non, merci. J'ai 28. Oh, tu vois, quelle coïncidence! Ouais. C'est vite! Ouais. Bon, t'as quel âge, toi? J'ai une idée, puis ouais. On a qu'à tous se rejoindre dans la radio. Gérard. Ouais, non, on a l'idée de. C'est le standard qui se fait, Manu. Ils n'entendent pas Gérard, ils n'entendent personne. On va bientôt prendre l'antenne. C'est Manu Gamin, là. Je sais pas. Vous m'entendez? Gérard, tu m'entends? Moi, j'entends pas. Non, je t'entends pas. C'est putain, tu me réponds, tu m'entends pas. J'entends pas. Mais vous faites quoi dans la vie? Hôtesse de l'air. Ah bah ça va l'exciter, le gros cochon de Gérard. Je sais qu'il aime ça, les hôtesses de l'air, en plus. Ah, vous l'aimez, s'il vous plaît. Pourquoi tu rigoles contre... Ça fait combien de temps que t'es hôtesse de l'air, ma chérie? Ça fait 3 ans, exactement. Bon, sans déconner, mais t'es comment physiquement? Ah, je fais 1m80. C'est toi, Cadeï? Daniel, c'est Daniel qui a le truc. On peut... Ah, c'est pas moi, Daniel, je te promets, s'il te plaît. C'est pas moi, c'est le standard. Ils entendent pas. Il nous entend pas. Attends, ils nous entendent pas. Pour l'instant, t'es en train de téléphoner à qui, toi? À ma maman. Ah ouais, à ta maman. Tu crois que c'est pas le moment de téléphoner à ta maman? Bah, elle m'avait demandé d'appeler à 3h29, je l'appelle à 3h29, moi. On en a rien à foutre. Ah bah non. Alors là, Gérard, je suis pas d'accord parce qu'on en a pas rien à foutre de ma maman, quoi. Non, mais attends, on téléphone pas. On téléphone pas pendant que les gens sont derrière en train de déconner. Alors que j'ai personne sur l'antenne. si on pouvait gérer un peu le truc, on y va. On prend dans 10 secondes, c'est bon. Allô ? C'est parti. Oui, c'est parti. Allô ? Oui, bonsoir. Bon. Bonsoir. Oui. Cindy ? Oui. Cindy ? Oui. Attends, quand je t'appelle un pote comme toi, tu sors sur un dessous le lit. D'accord. Ok. Cindy, t'es toujours là ? Oui, je suis là. Angèle ? Oui. Ginny ? Mais oui, elles sont là, je leur parle depuis tout à l'heure en antenne. Bon, attends, tu la fermes. Tu verras pas les cassettes, hein ? Non, non, pas de problème. Allô ? Attendez, hey. Bon, ceux qui ont envie de s'échanger les numéros de téléphone et les cassettes, c'est maintenant standard. On va se voir tout à l'heure. Alors, Philippe Ron. Et Angèle, dégagez. Bonne nuit à vous deux. Au revoir, à l'année prochaine. Allez, comme par hasard. Ça vous apprendra à dire des conneries sur l'antenne. C'est Philippe Hubert. Mais appelle-moi Hubert. Non mais attends, pour l'instant, toi tu vois. D'accord, ben, je me tais, mais je suis là, je suis calme. Gérard, est-ce qu'on pourrait revenir à la question ? C'est pas marqué. Et pour l'instant, je voudrais revenir sur le thème du débat et vous allez vous la fermer, s'il vous plaît. Allons-y. On t'entend mal, Gérard. Vous m'entendez mal, vous avez qu'à ouvrir vos oreilles. Eh ben, vire là la fille. Les oreilles, c'est comme le cul de ta femme. Tu rien, la fille, tu dégages, la fille. Attends, tu dégages, tu me fais pas chier. Et pourquoi tu ne jettes pas, elle ? Eh ben, toi, tu as dégagé. Mais pourquoi moi, pas elle ? Eh, Hubert, si je te connaissais pas, je t'insulterais. Eh, tout à l'heure, moi, je vais t'attraper dans le cul. Je vais t'attraper dans les chiottes et tu vas avoir ton cul, toi. Eh ben, voilà, la loco, la loco. Eh, tu me laisses pas, dégage-moi ça. C'est une honte. C'est une honte. Eh, tu me dégages dans cet abruti. Bon, allez. Allô ? Mais comment c'est le problème ? Allô, Gérard, on t'entend. Il veut mon cul, le salaud. Bon, allez, hop. C'est bon, les gros mots, j'arrête. Allô, Gérard, quatrième. Mais tu dis que tu veux m'enculer, tu dis que tu veux me prendre dans la loco, ça te fait rire. Ça me fait rire, abruti. Allô, Gérard. Et toi, t'arrêtes là-bas, Olivier, s'il te plaît. C'est Daniel. Daniel, t'arrêtes avec les boutons. C'est toi qui fais un double son maintenant. Si, ça se voit. Allô, Gérard. C'est grave. Là, pareil. Ça commence à bien faire. Allô. On prend le débat sérieux là. On peut pas. Alors, je préviens, le prochain qui me traite d'enculé vire au standard, mais sec. D'accord. Okay, enculé. Ça risque de te faire mal, mec. D'entrée, celui-là, boum, ça y apprendra. C'est ça, c'est Tony, ça. Eh ben, tant pis pour lui. Vieille peau. Eh ben, bonsoir, si t'es. Arnaud, à l'appareil. Ouais. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir. Bon, tu commences ? Bonsoir. Super. Bonsoir. Alors, quels sont les plus connus ? Ah bah non, on va dans les phobies. On l'a déjà fait tout à l'heure. Enfin, bon, attends, il se moque de nous, quoi, lui. Bon, allez, hop. Tu me casses tout ça. Tous ces mecs-là, tu me les casses. Ils sont complètement cerbés. Ils sont même pas capables de répondre à une question. Ça m'a pas fait plaisir, ouais. Moi, ah, c'est ça. Attends, ma chérie, si ça t'a pas fait plaisir, c'est le même prix. Non, mais c'est les mecs, hein, c'est pas toi. Ah ouais, bah heureusement. Comme par hasard, retourne bien ta veste. Qu'est-ce que ça, toi, t'es pas content ? Si, ça va. Du bon côté. Il s'agit de retourner au standard, tu verras si ma chemise allait repasser. Ouais, c'est ça, ouais. Quel abruti, celui-là. Allez hop. L'abruti. L'abruti. Hop, je parle pas de toi, tu me les dégages. Je ne parle pas de toi, je parle d'auditeurs. Non. Parle de moi, Gérard. Gérard, je veux bien dégager tous ceux qui... Qui disent des insultes autant au standard, mais à ce moment-là, toi, je veux pas en entendre une non plus dans ton débat. Eh ben attends, pour l'instant, il y en a une là-dedans. Non, mais pas dans tes questions. Mais comment tu parles aux auditeurs, hein ? C'est une honte. Mais alors ? C'est une honte. C'est une honte. Il me semble que je t'ai demandé quelque chose. Je pense que Max aurait dû le sanctionner qu'on l'entende plus du tout. Non, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on est tous d'accord. C'est génial. Alors, vous n'êtes pas content ? Content ? Vous n'êtes pas content ? Content ? C'est parfait, c'est comme on a dit. Paris by night. Eh ben, dans ces cas-là, on de bon entendeur. Salut. Allez, salut, au revoir. Salut. Alors, qu'est-ce que vous pensez des phobies, vous ? Parce que Gérard pose ta question. Max, s'il te plaît. Ouais. Max, ouais. Tu viens ? Ouais, j'arrive. Bon, on essaie d'être sérieux. Continue, j'arrive, je finis un peu. Non, tu viens tout de suite. Parce que là, c'est plus possible. Gérard, on est prêt à écouter vos questions. On va essayer d'être le plus sérieux. Non, pour l'instant, vous n'allez rien écouter. On écoute. Non, vous n'allez rien écouter. Oh là, c'est n'importe quoi ce débat. Je me demande ce que je fous là. Eh ben, dans ce cas-là, tu raccroches. On va tous raccrocher alors. Raccrocher, allez, 1, 2, 3. Eh ben, bonne nuit à tous. Voilà. Eh ben, comme ça, on va remettre un disque et puis. C'est l'abruti, ce mec. Eh ben, l'abruti, allez hop. Voilà, l'abruti. Allez hop. L'abruti, tu me le sors. Monsieur Gérard, on vous aime bien, je vous écoute depuis longtemps. Non, mais c'est bon, l'abruti, tu me le sors. Mais écoute-le, Gérard. Non, je veux pas le savoir. On ne veut pas d'abruti. C'est c'est sous l'énervement, excusez-moi. On ne traite pas d'abrutis, d'accord? Vous traitez les gens de, des fois d'enculés, de bâtards, des fois sur l'antenne. Eh ben dans ce cas-là, bonne nuit. On vous laisse parler. Bonne nuit. Je m'excuse. Bonne nuit. Bonne nuit à toi, mais j'ai pas envie d'aller me coucher. Gérard, il s'excuse. Reviens. Je suis là. Gérard est là. Allez, on y va. On écoute votre question, là. Alors, je répète les... Bon, allez, ça commence à bien faire, ce son, là. On vous écoute. Non, c'est pas là. Qui c'est qui est derrière, là? Ils ont accouché. On y va, sérieux, vas-y. Cindy, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, pas ensemble, vous vous taisez derrière. Juste une chose. Tu te tais, s'il te plaît. J'aime bien, c'est que là, il faudrait pas dire deux fois bonsoir, et là, ça fait trois fois qu'il dit bonsoir. Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire, de qu'il est ferme? Bonsoir, ok. Je me tais. Gérard. Angèle, bonsoir. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Julie, bonsoir. Bonsoir. Bon, allez, bonne nuit à tous. Arrêtez à l'antenne. Bonsoir, Gérard. Max, s'il te plaît, tu viens là, parce que là, ça commence à bien faire. Tu viens. Gérard, s'il te plaît, tu peux faire une question. Non, là, ça commence à bien faire, j'en ai marre. Il n'a pas compris. Gérard, s'il te plaît. Je ne comprendrai pas les plaisanteries longtemps. Jésus! C'est quoi ce bordel de merde? Je vous salue, Marie. Arrête de gueuler! Oh, tu viens, s'il te plaît! Deux minutes! Non, y'a pas de deux minutes! Tu continues, j'arrive! Vous entendez? Non, y'a pas de deux minutes! On peut écouter la question, on écoute, allez, sérieux, silence. C'est quoi la question alors, Gérard? La question, c'est quoi? Alors? Gérard, c'est Max, pose la question! Ouais, pose la question! Quand ils seront décidés de s'affirmer! Mais ils disent rien, vas-y! Allô, non! Gérard, c'est Jenny, je t'écoute. Eh, ça commence à bien faire, hein, dehors. Tout à l'heure, je vais faire un tour dans les studios, c'est que c'est vous dans les studios. Mais non, Gérard. La bête, Jenny, la bête. La bête, la bête. Oh, oui. Oh, ouais, vous allez voir. Gérard. Jouez comme ça. Gérard, quatrième question, s'il te plaît, on n'avance pas sur le débat. Alors, quels sont les plus connus? Dans les phobies. Ouais, tu as posé ça. Oh, si t'es pas content, tu sors, toi, tu me fais passer. Ok. D'accord. Bon, Gérard, sérieusement, voilà. Vous pouvez passer à la question. Non, mais attends, dans ce cas-là, Manu le malin, s'il te plaît. Non, Manu le gamin. Ouais, mais le gamin, tu me dis. Non, pas le gamin, Manu le gamin. Mais merde, tu vas te réveiller ou quoi, standard, toi? Oui, mais c'est fou. Non, mais s'il te plaît, c'est pas le malin, c'est Manu le gamin. Oh, j'en ai marre, rien. J'arrête. Non, c'est pas vrai. Y'a personne? Non. Oh, je suis déçu. T'habites quand de la radio, toi, Philippe? Bon, bah, allez-y, répondez à la question, quand même. Alors, moi, je pense que les plus connus, ce sont les phobies à caractère. Sexuel. C'est-à-dire les positions, l'alimentation, les fellations. Non, mais il faut répondre sérieusement aux questions, là. Ah, mais je réponds sérieusement, Gérard. Bah, t'es conne, alors. Je suis sûr que il doit prendre des notes, qu'est-ce qu'il branle, ouais. Pour moi, les plus connus, c'est il y a les faux-billets, il y a les faux-bijoux. Hey, t'as pas besoin de regarder ce que je marque, d'accord, toi? Les faux-billets, les faux-bijoux. Bon, les filles, pouf. Pourquoi vous pensez ça? Qu'est-ce qui te fait dire les faux-billets, ça peut être une phobie? Bah, c'est les phobies les plus connues. Non, c'est un jeu de mots. N'importe quoi. Ok. Bon, apparemment. Gérard. Ah, bah oui. Laissez répondre, Hubert. Donnez-en des moins connus. Oui, c'est plus bas, là, pareil. Des moins connus. Donnez-en des moins connus. Ah, bah, sûr. Y a la plus connue des inconnus, c'est celle qu'on... Des moins connus, espèce d'abruti. Bah, tu vas pas écouter, j'ai dit la plus connue des moins connus, c'est celle qu'on ne connaît pas. Voilà, comme toi, abruti, tu comprends même pas la question. Vous avez compris? On a compris. Eh, hey, Manu le gamin, là, tu as travaillé, s'il te plaît. Ok, Jean. La plus connue des pas connues, c'est celle qu'on ne connaît pas. Non. Bah, vous, c'est drôle. Zola, ça commence à bien faire depuis tout à l'heure. Pourquoi la pas connue, c'est laquelle? Ils n'ont pas dit d'insultes, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Sérieusement, là, un petit peu de sérieux, là. Il y a l'arachnophobie. Alors, arachnophobie, j'ai eu le film. On a le droit de parler ensemble, Gérard, c'est un débat. L'agoraphobie, il y a la peur des araignées. Pas du tout, l'arachnophobie, c'est la peur des arachnos, tout simplement. Non, c'est la peur des araignées. Attendez. Qui c'est qui a dit les arachnos? Oh, c'est quoi ce bordel de merde? Arrêtez avec le son. Ben, je disais que l'arachnophobie... Non, ça vient de là, hein, s'il te plaît. Il y a le truc, la gragagophobie, là. L'arachnophobie... L'arachno, c'est quoi pour toi? L'arachnophobie, bah c'est... Bah évidemment, là monsieur ne connaît rien, donc il a envie d'apprendre ce soir. Il faut lui apprendre. L'arachnophobie. S'il vous plaît, c'est Hubert qui parle. L'arachnophobie, c'est simplement la peur de l'arachno. Exactement. Ah oui. Et l'agoraphobie, c'est... Eh ben, c'est la peur de l'agora. C'est grave. L'agoraphobie. Non, c'est des chats de gora. On a peur des chats de gora. Ah, oui. Gora venant du latin goratus, gorata, goracinus, gotapus. Et cosinus. Cosinus péta. H-W-Z aussi, hein. Cosinus péta, il y a du mot pétas. Abréviation péta péta. Eh, y a pas. Ferme ta bouche un peu. La parole, s'il te plaît. Bon, si je vois, d'accord. Ah, bah oui, mais là, quand on te coupe la parole, tu gueules et quand on parle, on peut pas. Mais attends, c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi. Non, mais là, tu vas poser une question, je n'ai pas eu le temps de finir. Non, mais attends. Je voulais t'expliquer, donc je suis d'accord avec toi, Gérard. Alors, accouche. Alors, oh bah non, mais je suis un mec, je peux pas accoucher, hein. Dors celui-là parce que pour l'instant il est en train de prendre les gens pour des cons. Il se croit monsieur tout le monde. Gérard, il se croit monsieur tout le monde. Il se croit le doc. Allez, dors celui-là. Dors. Il est juste une petite plaisanterie, Gérard. C'est pas méchant. Non, mais moi j'en ai rien à foutre. Une plaisanterie, oui, mais de mauvais goût. Bon, allez, terminé, conclusion. 3h40. Conclusion. Moi je commencerai pour dire bon. L'arachno, il y a aussi la ce soir on a, je crois que c'est clair, on a appris ce soir qu'il y avait une autre phobie, c'est la phobie des auditeurs. On a l'impression que Gérard, dès qu'il en a un qui a quelque chose à dire, il en prend peur et il le jette. Ouais. C'est un petit peu la peur des gens. Et Gérard a peur des auditeurs qui ont des choses à dire et il préfère discuter avec, excusez-moi mademoiselle, mais avec des gens des fois qui n'ont rien à dire parce qu'il veut du sein et c'est tout ce qui l'intéresse. Ouais. Par contre, il n'a pas la phobie de l'alcool, ça c'est clair. On sait très bien qu'il est attiré par ça plutôt que d'en avoir peur. Gérard. Ah, allez, tu rallumes. Cindy, vous êtes là, Cindy et Angel? Oui. Ben voilà, ils sont là. Tu me viens s'abrouti là, qui fait que des conneries. Il a pas dit d'insulte, moi, je vire pas. Tout hein. Ça parce que je souffle. Oui. Franchement. Ah bah heureusement que t'as pas une cheminée à l'antenne. Hein. Eh, si ça te plaît pas, mon pote, tu dégages, tu rentres mais chez moi, toi. Je suis très content, je suis content d'être avec vous, je vous écoute depuis 2 ans, j'apprécie beaucoup. Ah bah moi, oui, je vais dire une chose, que j'en ai rien à foutre de ta réflexion. Il fait des compliments, Gérard. Il y aura plus d'auditeurs qui vous écouteront, vous serez bien content. Et alors, tu veux dire, c'est pas moi qui fais ma libre antenne, d'accord? Gérard, il fait des compliments, t'es agressif avec lui. Les filles, n'appelez plus dans ces débats, ils se contentent que de vous, et vous, vous êtes là comme des connes à lui écouter, alors qu'en plus, il a une gueule d'abruti. D'accord, c'est la dernière fois. Eh bah d'accord, alors tu à ton merde alors. Oui. Comme si un abruti, bah tu dégages le standard. Pas du tout, vous m'emmerdez les filles. Non. Merci les filles. Non, non, t'as dit que c'était un abruti, que c'était des connes, les nanas qui m'écoutaient. Alors en deux bon entendeurs, salut. Eh, tu me laisses un peu. Merde. Salut. Ça commence à bien faire là, hein. Alors Gérard, moi j'ai surtout peur d'un individu qui a des cheveux gras, qui a pas de dents, qui a une moustache, qui fait 1m70. Et qui tue la Didas, et c'est ça ma phobie. Moi ouais, j'ai peur que tu continues à faire de la. Oh, toi tu la fermes! Eh hey, Manu! Manu, ça commence à bien faire! Ça y est, j'ai vidé Pubert. Hein? Alors la nana qui vient de dire ça, c'est qui son nom? C'est qui son nom? Eh hey, les bandes de. Les bandes de. Dégonflées là! Personne a dit ça. Je crois que c'est Carole. Qui a dit quoi? Qui a été dire que j'avais des moustaches et qu'il manquait des dents et que je puais l'Adidas? Mais personne n'a dit ça, Gérard, t'as des hallucinations. Non, j'ai des hallucinations. Comme par hasard, c'est une nana qui a dit ça. On va pas prendre les gens pour des cons. En tout cas, c'est pas moi, Gérard. Non. C'est pas moi non plus. Non, c'est personne. Mais c'est un mec qui s'était passé pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, vous croyez que je vais croire à vos pipeaux, les nanas? Eh, dis-moi, pourquoi elle est pas là, ton amour de ta vie? Eh, pourquoi qu'elle est pas là? Parce que j'en veux plus. De toute manière, c'est pas mon amour de ma vie. Ah, pourquoi t'en veux plus? Parce que c'est pas mon amour de ma vie, d'accord? Pourquoi? Parce que... Ouais, non mais un vrai ton. Eh, tu sais ce que ça veut dire, ton? Ça veut dire quoi? C'est un train olympique. Waouh, bravo, Gérard. Eh, comme par hasard, elle est pas là. Le ton n'est pas là. Elle est pas là, le con? Elle est pas là, le con? Bravo, Gérard. Elle a donné Carole? Non, pas là. Ouais, comme par hasard, je viens de reconnaître une voix bizarroïde. Bah oui, comme toutes les autres, bien sûr, Gérard. Bah, ça, t'as des hallucinations, Gérard, hein? Gérard, c'est parano. Par contre, Christine a appelé sur la ligne directe, hein. Bah, j'en ai rien à foutre de Christine, elle peut aller se faire sodomiser. Oh là là! Il faut pas pousser grand-mère dans les enfants. Avec une racacheur. C'est une poivre. Non. Que pensez. Que peuvent-elles vous apporter? Les phobies, bien sûr. Eh ben, moi je dirais qu'elles pourraient qu'apporter que de la peur. Moi c'est Angel, elle m'apporte le journal le matin. Voilà. Attends, tu crois que la phobie va t'apporter le journal tous les matins, toi? Non, mais. Hey, t'es pas bon, arrête de fumer la moquette, hein. Arrête de fumer la moquette. On accueille Jean Gland. Jean Gland. Non. Vas-y, balance-le. Bonsoir, Jean Gland. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Jean Gland. Vous m'appelez Jean Gland, mais tu peux m'appeler Gland, hein. Que penses. Bon, alors. Donc, Angèle, tu dis que ça peut te rapporter le journal. Ben oui, tout à fait. Ben, j'ai rien dit, moi, je viens d'arriver. Hein. Non, moi, c'est Angèle, et toi, c'est Gland. Oui, donc. Allô? Oui. Ben, je te disais que... Phobie, quand je suis à l'antenne. Hein. Ma phobie, non, elle est bien blessée, elle m'apporte le journal, et voilà. Je viens tout à l'heure, parce qu'on fait une tête avec Hubert. Ok, d'accord. Bon, allez, vous commencez à fermer les nanas parce que. Cindy. Tu voudras la passer en antenne. Voilà, Cindy, oh, Ginny, dors. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça vous apprendra à dire que vous prenez. Bonne nuit, les nanas. Ça y est. Bonne nuit à toutes les deux. On dirait un Krakatoa. À qui? À Ginny. À. Ginny, sans bruit. Voilà. Donc, alors, Angèle, toi, tu me dis, ça peut te rapporter du. Ça commence à bien faire ce double son. C'est tous les jeudis. Jeudi. Il y en a ras le bol au son. Le bol. T'es là, Ginny? Non, elle n'est plus là. C'est dommage. Moi, je préfère le 7-Up. Ben, conclusion, allez. Alors, conclusion. Non, moi, j'ai pas eu le temps de passer. Non, mais c'est conclusion. Jean Gland, mais tu peux m'appeler Gland. Allez, vas-y, conclusion. Alors la confusion, bah il y en a eu plusieurs. Confusion. Oui, bah la confusion, c'est qu'on s'est trompé sur le terme du débat. La confusion. Conclusion, pas oui. Confusion, abruti. Si je suis à l'abruti, toi t'es un enculé. Eh ben maintenant. D'accord. Ça y est, il est parti. Voilà. Cindy, il est parti. Angèle. Ouais. Bah moi l'occlusion. Angèle, te fous pas de moi parce que tout à l'heure ça va aller vite. Tu vas faire comme toutes les autres. Laisse-moi de Gérard. Jean Blanc voulait s'excuser. Non. Mais si, okay. Écoute ses excuses, Gérard. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, alors fais ta masturbation. Hein. Je suis parti comme ça, les mômes sont venus comme ça de la bouche. Je sais, je suis parti en couille, je le sais, j'ai merdé, j'aurais pas dû. Ma mère m'a laissé tomber très tôt. Gérard, mon père travaille tard le soir. Tu es ferme, j'ai demandé la conclusion. Non, mais je tenais avec j'ai demandé la conclusion. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs confusions. Alors. Conclusion. J'entends rien, la confusion, oui. C'est que, on confond beaucoup de choses. Pour un albino, on confond les couleurs. Dans la confusion, Non. Terminé, c'est confusion. La constellation. Qui La constellation. Non, attends, pour un sandwich, tu lui demandes qu'il ferme. Si on me demande de fermer ma gueule, je peux pas donner ma confusion. Hein. Non, mais pour un son, tu n'es même pas capable de répondre à ce que je te demande. Bonjour. Je crois qu'il serait plus simple. Demandons la conclusion, ça serait peut-être plus simple. Parce que la confusion, personne ne va comprendre. Et comment ça va être long? Oh, on a dit le gamin là, s'il te plaît! Oui, mais j'accueille Isabelle. Ouais, ben tu me la mets sur. Bonsoir Isabelle! Bonsoir Isabelle! Ça va? Allez hop! Dehors ce mec! Dehors celui-là! J'aime pas les paroles en temps! C'est Angèle! Non, c'est pas Angèle, c'est un mec! Attends, je vous en prie! Là, j'agite mon téléphone contre mon gland. Comment? Terminé, moi j'arrête. Ah non, j'en ai encore, attends, j'en ai encore. Non, allez hop, terminé. Allez, casse-toi. Terminé. Attends, j'ai pas terminé, j'en ai encore là. Allez, allez, maintenant Gérard, tu te barres. Isabelle. Gérard. Il est pas là. Daniel, il commence à faire chier, hein. Ouais. Mais je bouge pas. Ouais, il s'amuse avec les boutons. Gérard, je bouge pas, je suis là, je suis comme ça. Attends, je suis comme ça. Gérard. Là, Gérard. Daniel, il est avec quelqu'un sur le bureau, il est en train de se faire une pipe. Oh là, Daniel. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas voir sur le standard. Oh là là. Oh, elle est bonne nuit à tous. Allez, bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Bravo, merci, Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas fait de divino. Ah ben, ça te regarde pas. Raconte, Gérard. Allez, raconte. Je sais pas, il y en a sous le temps sous la console. Bordel, hein. Sous la console. Qu'est-ce qu'il fait? Et il s'amuse à faire une pépadale. Qu'est-ce qu'il nous fait l'autre sans nom là? Quand il veut, il se réveille le Gérard. Et alors? Il se rend culotte. Et comment il s'appelle celui qui fait la pipe? Gérard. C'était bon. Gérard. Elle s'appelle comment la chèvre? Oh quel con, alors celui-là il va répondre. Le con il t'emmerde. Ah bah il est là. Le con il t'emmerde. Non mais au lieu de rire bêtement là, alors que t'as plus de dents là. Allez hop, tu dégages. C'est pas l'hétéro. L'hétéro, tu sais ce qu'il te dit? Ouais mais t'as un hétéro, ouais mais moi je t'emmerde aussi. Ok, donc maintenant je fais ma confusion. Fais ta confusion, abruti. Ouais, abruti. Alors moi Jean-Luc. Moi ce que j'ai à dire. Mais pas ça parce que normalement dans 6 minutes j'ai fini, t'as moins de 2 minutes pour la faire ta conclusion. Ce que j'ai à dire, et là je demande le silence et qu'on m'écoute. Bon bah attends, si je veux, d'accord. Ouais bah s'il te plaît, je veux bien. Ce que j'ai à dire, ça va être clair, ça va être net, ça va être précis, ça va aller très vite. Bah allez hop, bonne nuit. Hop. Ça y est, pète un coup dans le combiné. Attends, alors, j'y vais très vite, ça va être clair, net, précis. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vais aller droit au but. Je vais faire ma conclusion franchement. Je ne vais pas tarder à parler franchement. Je suis sur le point d'être franc. Ce que j'ai à dire, c'est très clair. Sur les phobies, attention, il y a aujourd'hui, en France, en France, sur cette planète, des gens qui sont phobialisés, qui phobabilisent, qui culpabilisent. On nous manipule dans cette monde. On nous manipule. Et alors ? Le pouvoir y est pour quelque chose. Révoltons-nous, mon frère. Entendu ce matin à la radio sur France FIP. Dors, dors, dors, dors. Tous les camarades se disent à la jupée et ça vient. La phobie sera votée à la méditation nationale. Tous les camarades bolcheviques qui nous écoutent. Allez hop. Je demande. Stop. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez tous été des nazes. Vous m'avez fait chier. Du premier jusqu'au début. C'est dégueulasse. Ici le général de Gaulle. Ici Londres. Mais dis-lui aussi, toi. C'est l'avenue Charles de Gaulle qui vous parle. La phobie est là. Bon, allez, moi, j'arrête. Elle existe. Arrête-moi tout ça. Allez. Ne nous laissons pas envahir. On fait pas de politique là, sorcier, merde! Elle est reconnaissable par sa petite moustache et ses cheveux blancs. Pourquoi? C'est pas d'heure? Non, attends, il est 4h du matin, je suis désolé. Pas d'heure pour ça. Désolé. T'as pas de désolé. Ben donc, premier débat. Oui. J'étais très déçu. Bah, nous aussi, hein. Ouais, bah, si t'es pas content, tu rentres chez toi, toi. Non, mais je suis chez moi déjà, donc. Tu raccroches, tu fais la paix. À la rigueur, je rentre dehors. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est pas possible, hein, rentrer dehors. Si ça s'appelle un SDF, il rentre dehors, il rentre chez lui. Tu me viens, les mecs, je veux plus rien entendre parler. Ah bah, comme par hasard. C'est trop intellectuel. Non, non, attends, SDF, je suis pas SDF. Mais t'es de SDF, Gérard. Mais non, t'écoutes pas ce qu'il dit. Non, presque pas. Demande à Daniel, Daniel. Mais non, il écoute pas. Mais attends, arrête. T'es même pas capable de gérer un standard. Allez, vous allez avoir. Vous allez vous calmer d'abord. Déjà, vous allez avoir Marc. Merde, je suis plus comment. Non, sur fan, Emmanuel. Ouais, je sais plus. Non, sérieux. Je commence son nom là. Il sait rien, il connaît rien. C'est Jean-Gilles cette nuit. Jean-Gilles, il fait un essai. Jean-Gilles. Bah, ça broutille là. Ouais. Il a cassé le casque. C'est bon. Ah, c'est Marc et puis. Marc et Sophie. Gérard, Les filles, dans 3 minutes, je passe vous chercher. Hein. C'est ça, t'as raison, l'abruti. L'abruti, c'est toi l'abruti. Eh ben, bonne nuit à tous. Vous allez écouter. On dit pas bonne nuit, on dit bonne nuit, je crois que c'était son dernier débat. Bah, vous verrez bien la semaine prochaine, Pognard, je vous annonce pas le temps. Non, il faut pas que tu reviennes. On n'a pas fait de confusion, Gérard. On veut une confusion. Je veux pas de confusion, les deux abrutis. On l'aime bien, Gérard. On veut que tu restes, Gérard. Gérard, c'est plus belle. Bah oui, ça va. Ouais. Amuse-toi bien avec un standard pourri quand je te dis d'arrêter les abus. Mais faut pas Gérard, il y a un double son. Ouais, mais attends. De toute manière, tu demanderas à Daniel et puis à ton standardiste que tu m'as mis là. Hein. À chaque fois, c'est pareil. C'est le vrai bordel. Alors donc, la semaine prochaine, on sait pas s'il y aura un débat. Il y aura quoi de la musique? On n'en sait rien, tu te débrouilleras avec Françoise ou Stéphane, voilà. Ouais. Donc sinon on fera comme on a dit, c'est tout. Donc alors vous allez retrouver Marc et après Lorenzo. Mais non, attends, on n'a pas fait de conclusion là. Non mais quand Daniel il arrêtera au sondage. Ouais, il a raccroché. Voilà. Ah bah on peut faire une conclusion, voilà. Alors les filles, allez-y. Ben Angel, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant comme débat. Les phobies, je trouve qu'il y en a beaucoup trop, il faut que ça cesse. D'ailleurs, je fais partie du parti antiphobie, le PAP. Et donc, j'invite tout le monde à rejoindre mon parti. On va se débarrasser des phobies, tous ensemble, à faire la chaîne. Alors, attends. Voilà. Angel. Oui. Je vais te poser une question. Vas-y. Pour toi, qu'est-ce que c'est une phobie? Enfin, je crois qu'on a quand même fait le tour du. Pour conclure, il est 4h, c'est max là, j'ai écouté le débat, très bien, faut conclure. Okay. Non mais attends, je voudrais bien qu'elle me réponde. Non mais il est 4h, Gérard. On l'a déjà dit ça, Gérard, que c'était qu'une phobie. Ah ben, à part te faire sodomiser, c'est tout ce que t'aimes. Elle aime ça, c'est quoi? Ça, ta phobie. Bah, apparemment, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Bah, c'est enfin, pas bref. Bref. Pour conclure, Gérard, donc, sur ce débat sur la phobie. Sur les deux, de toute manière, naze. Ah non, bien, non. Oh, non, naze. Un peu houleux sur les dernières demi-heures, mais bien, pour l'ensemble. De manière, quand on aura un standardiste un peu mieux le jeudi. Oh là, c'est clair, c'est sur Manu, t'as galéré. Merci. Quand on lui demande quelque chose, quand on lui demande quelque chose et qu'il se fout de la gueule du monde, c'est pas la peine. Et dis-lui en face, tu peux le regarder dans les yeux. Quand je te demande quelque chose, tu me dis non, c'est pas vrai. Et je sais pas comment qu'ils arrivent à faire pour passer sur tout le monde. Oh là là, tu bafoues. Quoi. Merci. Tu me feras voir comment que les gens peuvent passer sur les autres auditeurs. Parce qu'ils ont plus de voix que les autres. Merci, c'est peut-être qu'ils parlent plus fort, Gérard. Ouais, ils parlent plus fort et quand je te demande de les virer, c'est bizarre. Quand je te demande un truc, ils sont encore sur l'antenne. Peut-être qu'une fille peut être avec un mec sur le même téléphone, ah ouais, non, Gérard. Non. Et justement, ils se passent par-dessus. Ah ouais, ouais. Et t'en es sûr que c'est pas par ici que ça se passe? Merci. Hein? Comme par hasard. C'est simple, c'est tous les jeudis, c'est pareil. S'il vous plaît. Donc, le gyrophare, j'en ai pas besoin. Toi, je couche pas avec toi, je suis pas un PD, d'accord? Alors, tu dégages. Cela. Là, c'est la fin de l'émission, tu vas pas me faire chier longtemps. Bon, merci Gérard, et bonne nuit. On se retrouve peut-être jeudi prochain. Peut-être. Il y a une chance sur deux. Hein. On verra. Y a une, chance... Une chance sur 1000. Ah, bah génial. Si je suis encore vivant. En demande entendeur, salut. Adieu Gérard, merci. Donc c'était les adieux de Gérard, qui apparemment risque de mourir dans la semaine. Nous, on sera pas morts, puisqu'on était bien morts, mais de rire aujourd'hui. Et on espère vous retrouver demain dès 22h. Au revoir et bonne nuit, à tout à l'heure. Et d'arrêter de fumer, de se mettre au gâteau sec. Et au café. Oui, au café aussi. Attends, si tu vas dire...